donc un peu les filles. Allez, on va reculer. Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes mains. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric et bienvenue dans l'émission Johnny 2 à Z, ici sur RIG 90.7 de la bande FM et RIGFM.fr si vous l'écoutez via le net. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission, la 538e. Et cette émission est dédiée à un album de la semaine, l'album qui est de l'album Cadillac de 1989. Et il y aura aussi Johnny Hallyday, vu que c'était en 1989. On se dit qu'est-ce qu'il y a comme actualité pour Johnny ou à Johnny lors de cette année-là. Et c'était son avis de recherche chez Patrick Sabatier sur TF1 du 9 octobre jusqu'au 13 octobre. On va écouter cette émission pendant ces deux heures-là, ainsi que l'intégralité de l'album Cadillac. Ce qu'on peut dire sur l'album Cadillac, c'est que c'est le 36e album studio de Johnny Hallyday. Il est sorti le jour de son anniversaire, le 15 juin 1989. Et l'album a été enregistré au studio Gang et réalisé par Étienne Rodagil. L'album fait référence aux rêves américains, aux grands espaces, aux road movies. Il évoque notamment le destin d'Antoine de la Motte Cadillac, un Français qui fonde Détroit en 1701 et dont le nom est repris en 1902 pour baptiser la marque automobile américaine Cadillac. La moto est le fil conducteur de l'album. Johnny lui consacre pas moins de 3 chansons, Rien à jeter, Possible en moto, L'étoile solitaire. Et d'une façon générale, le credo de l'album est la quête de liberté au travers des grands espaces américains que l'on rêve, sillonne et conquiert. On retrouve la chanson Mirador, qui est la première chanson commerciale de l'album, composé par David Hallyday pour son père. Il a précédemment composé pour lui 2 titres, Pirates de l'air et Animal, écrites par Luc Plamondon, et Johnny les enregistre le 14 novembre 1988 au studio Sounds Recorder de Santa Monica. Il reste un temps inédit puis sont diffusés à l'intention des membres du fan club du chanteur sur un 45 tours hors commerce en 1990. Ils sortent enfin de leur confessionnalité en 1993 à l'occasion de la diffusion d'intégrale de 40 CD, donc la fameuse guitare Johnny Collection. Êtes-vous prêt pour écouter déjà le premier titre de l'album de la semaine qui sera Les Vautours, et après on écoutera Johnny Hallyday dans l'émission Avis de recherche de Patrick Sabatier. Bonne écoute à toutes et à tous, vous êtes sur RIG et voici l'émission Johnny de A-Z. Tour fort. lieu de remplir des verres et des cendriers. Je vois le temps qui passe ici n'importe où. Dans les sourires de glace, parfois elle devient fou, fou. Je me réveille, le cœur agité. Des souvenirs d'une nuit trop dure à rêver. Les vautours parlent d'amour. Les vautours parlent d'amour. Oh, ils parlent d'amour. Même les vautours font l'amour. Semaine Cadillac, à l'instant Les Vautours. Maintenant, nous allons écouter John Hallyday lors de son émission Avis de Recherche. C'était du lundi 9 octobre jusqu'au vendredi 13 octobre. Et Françoise Giroud, du Nouvel Observateur, en octobre 89, a déclaré: son émission a fait sauter les plombs et les instruments de mesure du Mediamat. Les Français l'aiment, Johnny. Il fait partie des meubles et quand il commence à chanter, on dirait qu'un lion endormi se réveille. Ce qu'il faut dire, si vous ne souvenez pas ce que c'était que Avis de Recherche, le principe de l'émission consistait à inviter une célébrité et à la replonger dans sa jeunesse en lui faisant retrouver d'anciens amis, le plus souvent des camarades de lycée, avec donc évidemment cela dégageait des grands moments d'émotion. Il faut dire que Johnny n'a pas été à l'école, hein. Il a été baladé de pays en pays, de ville en ville, et il n'a pu trouver qu'une sérénité, du moins être sédentaire qu'à son adolescence. Donc là, lors de cette émission, il va retrouver un tas d'amis, et on va écouter ça tout de suite sur l'antenne du RIG. Et oui, c'est l'émission de Johnny Hallyday. Hallyday by Hallyday. Envoie-moi la musique. Semaine exceptionnelle, vous le savez, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Merci de nous accueillir chez vous. Semaine exceptionnelle, puisqu'invité exceptionnel, car c'est Johnny. Johnny, pendant toute la semaine, ça va bien ? Ça va bien. Alors, pardon, ça va bien, oui. Tu passes tes week-ends à quoi, toi, quand tu ne travailles pas ? Tu te reposes tranquillement Oh, je bouquine un peu, je regarde la télé, je fais de la salle de sport. Ouais, tu continues toujours ? Toujours, oui. Ouais. Enfin, j'avais arrêté là pendant les lance-skis. Oui. Puis là, je m'y remets, là, en ce moment. Bon, je te trouve en pleine forme, en tout cas, là. Hein. Ça va bien, oui. Non, va non, bien. C'est vrai, t'es en pleine forme. On va regarder cette t'as photo. Maigri, hein, toi. Mais moi, j'ai un peu maigri. Ouais. Bah, tu sais, j'avais un copain à Saint-Tropez qui faisait beaucoup de sport, salle de musculation, bateau, natation, tennis. J'essayais de faire comme lui, mais je ne suis pas arrivé au niveau des muscles. Alors, regardez cette photo, tous les personnages de la vie, enfin quand je dis tous, c'est pas vrai, c'est une partie des personnages qui ont jalonné la vie de Johnny entre 1943 et 1989, et voici le premier appel qui est au bout du fil. Allô ? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Patrick, bonsoir Johnny. Bonsoir. Alors, je suis le numéro 15. Le 15. Là, il n'y a pas de surprise, c'est Pierre. Ah, c'est Pierre. Ah bah oui, c'est Pierre Billon, tiens. Pierre Billon. Oh là là, c'est Pierre Billon. Alors, Pierre, j'aimerais que vous nous racontiez un petit peu le Palais des Congrès et une fameuse soirée avec Rulio. Ah oui, oui. Ah bah écoute, c'est assez simple. Johnny s'en rappelle, tu t'en rappelles, non ? Oui, j'ai dormi un petit bout de temps. Ah non, mais ça, j'allais pas le dire, de toute façon. Attends, nous, on voudrait savoir, là, parce qu'on n'est pas au courant. Bah, je t'explique. Bon, comme tu sais, Rulio avait repris une chanson de Johnny qui s'appelait « J'ai oublié de vivre ». Et donc, un jour, on décide d'aller voir Rulio au palais. Mais on décide d'aller voir Rulio en backstage et donc de se planquer dans les coulisses. Donc on arrive et puis il nous cache dans les coulisses et donc Rulio sait pas du tout qu'on est là. Sur ce, un sonorisateur discrètement vient amener à Johnny un micro et Johnny décide de faire une intervention sur J'ai oublié de vivre. Donc Rulio commence à chanter son J'ai oublié de vivre très soft, très doux, très joli. Et arrive le deuxième couplet. Au deuxième couplet, c'est Johnny qui est intervenu. Sans que évidemment Rulio soit au courant. La salle s'est considérablement modifiée. Le sonorisateur a commencé à courir dans tous les sens. Les vumettes se sont filées dans le rouge. Immédiatement, le batteur a jeté ses balais et a pris ses baguettes. Et ils ont fini la chanson ensemble d'une façon magnifique. Ça se passait au Palais des Congrès. Tu te rappelles ça ? Tu te rappelles, Johnny ? Oui, bien sûr. Oui. Ça se passait à quelle époque ? Comment pourrais-je oublier ce jour-là ? Ça se passait à quelle époque, Pierre ? Oh, je pense que ça devait être vers 84, quelque chose comme ça. 84. Palais des Congrès, 84. Pierre, C'est drôle, l'attente, c'est que le batteur est vraiment venu voir Johnny à la fin et disant « Je vous remercie infiniment, c'est la première fois que j'ai le droit de me servir de mes baguettes. » Ça fera plaisir à Rulio Iglesias, merci infiniment. Pierre, rendez-vous vendredi ? Oui, bien sûr. Dis-moi, Pierre, tu travailles toujours tes muscles ? Énormément, une bête. Ouais, parce que, Pierre, c'est vous qui avez amené Johnny Non, c'est Pierre. C'est Pierre. Ensemble. Non, c'est toi, t'en fais déjà depuis longtemps. C'est vrai que ça fait longtemps que j'en fais, mais ça fait longtemps que t'as la morphologie pour en faire. Moi, j'essaye d'être comme lui, mais j'y arrive pas. C'est déjà pas mal. Rendez-vous vendredi, Pierre, merci beaucoup. Ok, je fais une grosse bise. Au revoir. Il y a un autre appel téléphonique qui est au bout du fil. Allô ? Allô, bonjour Patrick. Bonsoir. Bonjour Denis, je suis le numéro 4. Bonjour, numéro 4. Desta, tiens. Desta Hallyday. Alors ça nous fait plaisir. Ça va, Desta ? Oui, ça va, et toi ? Ouais, très bien. Alors, t'es où, là ? J'ai l'intention de te parler de tous les nombreux animaux que tu as adoptés dans ta vie et pour savoir si tu t'en rappelles de quelques-uns. Bah, tu te rappelles oui. Certainement de Doudou, le chien que tu avais trouvé. C'était mon premier chien, oui, bien sûr. En Allemagne. Oui. Tu te rappelles ? Bien et sûr, que oui. Tu avais amené sur scène pendant le spectacle de Renato Rachel. Lui faisait Charlot et toi tu faisais le Kid. Autant te dire que le chien s'est paniqué complètement, il a mis une pagaille terrible et tu as bien payé pour ton rôle. Tu te rappelles ? Tu étais très petit quand même. Très petit, oui. Ah oui. Mais il faut dire quand même, Desta Hallyday, si vous deviez vous définir par rapport à Johnny, vous êtes la sœur, la... La cousine. La cousine, non mais... C'est la fille de la sœur de mon père, voilà. Exactement. Voilà, vous avez vécu ensemble, là. Pendant combien d'années ? Notre jeunesse. C'est-à-dire que c'est elle qui m'a élevé avec Lee Hallyday. Voilà. Et c'est vrai que quand on est allé préparer l'émission avec l'équipe de collaborateurs chez Johnny, oui. Elle fait ça, je m'en souviens plus très bien, mais voyez Desta, elle connaît toute ma vie. Oui, c'est vrai d'ailleurs. Ça en rappelle mieux que moi d'ailleurs. Il y a 20 ans. Et il y a même eu un livre, un super livre qui s'appelle Mes tendres années. Oui. Desta, vous viendrez. Évidemment, vous êtes l'élément indispensable le vendredi. Ah bon, très bien, je remercie. Pour une fois, tu vas te coucher tard. Hein. Ah oui, parce qu'elle se couche à 8h du soir, c'est terrifiant. C'est vrai, mais on commencera peut-être. Bon, on commence à 8h30. De toute façon, à 10h30, vous êtes couché. Hein. Oh, très bien, merci. Merci beaucoup, Desta. De rien. Au revoir, Patrick. Au revoir, Johnny. Merci de cet appel. Au revoir, Desta. Le jeu Téléstar, tout de suite. Qui est aux côtés de Johnny ? Regardez. Alors, 42, 20, 30, 30, une partie de la photo est dans Téléstar, une autre partie sur TF1. 42, 20, 30, 30, vous appelez si votre réponse est bonne et si les tours sortent, vous gagnez un magnétoscope cette semaine. Voilà, et je vous rappelle que c'est à... Moi, je peux vous dire qui c'est. Non, mais toi, tu te tais, toi, tu dis rien. Toi, si t'es tranquille, tu bois ton verre d'eau et puis tranquille. Bon, moi, je ne dis rien. Allô, qui est au bout du fil ? Il y a un appel encore. Allô ? Allô? Oui. Allô, je suis le 19 comme le téléphone international. Le 19 comme le téléphone international. Le 19. Oh, Michel Gaillard. Michel Gaillard, qui connaît bien l'émission, car c'est lui qui préanime cette émission avant que nous prenions l'antenne. Michel, alors vous avez 40 secondes, Michel, pour raconter un petit souvenir. Oh, ben, il faut dire d'abord que la première fois que j'ai rencontré Jojo, c'était à Jouan-les-Pins, en 60, au Vieux Colombier, où il passait sur scène, et personne ne le connaissait. Et son style, disons, révolutionnaire à l'époque, ne ralliait pas tous les suffrages. Et alors, à la plage des pirates, à Jouan, où je l'emmenais sur mon bateau, ben, je lui remontais le moral. Et quand il est devenu star, on l'a refait souvent à Cannes l'été, aux îles Les Reims. Voilà. Ouais, mais enfin, dis donc, depuis le temps que tu me promets de m'emmener sur ton bateau. Oui, oh, ben, ah, parce que fois, toi aussi pas venu, hein, tu m'as fait ah, oui, moi, il m'a pris toi aussi. Mais moi aussi, il m'a fait ça. Alors, il me dit toujours, viens, je t'amène sur mon bateau, aussi. Il est jamais là. Ouais, tiens donc. Merci, et, Michel. Et bien, moi, je t'ai bien attendu d'ailleurs. Je sais pas si tu te souviens, c'était, je pense, en 73. Eh bien, c'était à Marcillac-Lanville, près d'Angoulême, Chapiteau, 6000 jeunes, fanatiques, survoltés. Et t'as eu des problèmes, je crois, avec ton avion, c'était le brouillard. Et t'es arrivé à minuit et quart. Et j'ai dû tenir la scène pendant 2h30 avec ce public de fans qui criaient. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Oh, ça d'accord, va, ça d'accord, va. D'accord, bon. Et quand tu es arrivé, tu as eu cette parole merveilleuse. Mais ça va, Michel. Ouais. Je vous pose, et vous êtes le seul à qui je pose la question, est-ce que vous ne viendrez pas vendredi? Bah, je vais y réfléchir, hein. Bon, rendez-vous vendredi, Michel. Bah, bien sûr que merci je serai beaucoup. Là, j'y viendrai même à la nage. Merci beaucoup, Michel. À vendredi, Michel. Vendredi. Rendez-vous demain, Johnny? Bah oui, demain, oui. Demain pour la deuxième étape. Alors, on se quitte maintenant, là? Ben là, on se quitte maintenant. Bon, oui, on se quitte maintenant. Puis vendredi, il y aura également les safaris photos à gagner avec le Kenya, ce sera pas mal. Hein. Rendez-vous vendredi, mais d'abord, demain. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. La suite, juste après cet extrait live de Percy 90, possible en moto, extrait de l'album, enfin, qui est à l'origine, sur l'album de la semaine, Cadillac. c'est possible. La suite de Abidon cherche. Vous écoutez RIG, la radio de Johnny Hallyday, c'est l'émission Johnny de A à Z. Johnny est avec nous cette semaine, vous le savez. Merci de nous recevoir chez vous, voilà, tout simplement. Je suis assez content de t'avoir cette semaine. Enfin, quand je dis je suis assez content, je suis même très content de t'avoir cette semaine. Et c'est vrai que tu regardes pas souvent ton passé. T'es pas un homme du passé. Non, mais je regarde souvent tes émissions. Oui, non, c'est vrai. Mais sur le passé des autres. Mais est-ce que toi, il t'arrive de regarder des photos, des anciennes photos, Johnny qui est né en 1943, est-ce qu'aujourd'hui en 89, t'arrives à voir un petit peu Johnny des années 60, 70? Non, pas vraiment, parce que, bon, à part quand un bouquin sort sur moi, mais bon, c'est comme les disques, une fois que je les ai faits, d'abord je passe beaucoup de temps sur les disques que je fais. Et quand un disque est fait, en général, je l'écoute plus, je retravaille sur des chansons futures. Les photos que j'ai faites, elles font partie de ce que j'ai fait avant. Maintenant, je pense aux photos que je vais faire ou que je suis en train de faire, ou pour des albums, ou pour des journaux, ou pour des films, ou des choses comme ça. Mais moi, j'aime pas tellement faire des photos. Je veux dire, c'est pas vraiment ma passion, c'est Gilles Paquet qui me force à faire des photos tout le temps. Ton attaché de presse. Dis-moi, je voudrais savoir, est-ce qu'il n'y a pas un moment donné dans ta vie quand tu la regardes où tu te dis pas, tiens, à ce moment-là, j'aurais bien aimé tout arrêter parce que c'est là où j'étais le mieux dans ma peau, c'est là où j'étais le plus heureux. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu aimerais figer? Non, parce que je crois qu'à chaque période de sa vie, on a des bons et on a des mauvais moments. Tout le monde a des bons et des mauvais moments. Mais je crois qu'à chaque moment de ma vie, je crois que j'ai des moments dans lesquels je profite et dans lesquels je me sens bien. Quand on a présenté l'émission, il y avait une bonne annonce. On te voyait avec une guitare, tu devais avoir 10-12 ans. Tu pensais quand même pas... Avec un chapeau de cowboy. Ouais. Oh oui, je devais avoir 11 ans. C'était près à Deauville. Tu n'avais quand même pas idée de ce que tu allais faire plus tard à ce niveau? Non, à l'époque, je chantais David Croquette. Les cavaliers du ciel, c'était resté là. Non, j'ai jamais sorti. Non. Alors, qui est à l'appareil? Il y a un appel téléphonique. Bonsoir. Allô? Bonsoir, Patrice. Bonsoir. Bonsoir, Giorgio. Oh, Lee Hallyday. Je suis le numéro 20. Le numéro 20, Lee Hallyday. Bonjour. Enfin, bonjour. Très, très, très content que vous soyez là aussi au téléphone. Alors, je vous pose d'abord la question. Est-ce que vous viendrez nous voir vendredi? Mais bien sûr. Okay. Ça va, Lee? Ça va, Giorgio, et toi? T'es toujours en Suisse? Mais oui. Bon, d'accord. Alors, attends, Lee Hallyday, c'est qui Lee Hallyday? Alors, Lee Hallyday, c'était le mari de Desta Hallyday. On a eu hier. Je redis un petit peu les choses, qui était la fille de la sœur de mon père, voilà, ma tante. Et c'est lui qui m'a élevé à l'américaine toute sa vie. Enfin, toute mon enfance, en tout cas, et qui m'a emmené à travers les tournées. Moi, je suis parti, on dit toujours que j'aime bien avoir une maison, j'aime bien avoir un chez-moi. Ça vient sans doute du fait que, depuis l'âge de un an ou un an et demi, j'ai vécu toute ma vie en tournée. Alors, quand on me dit, oui, ça fait 20 ans que tu fais des tournées, non, ça fait 45 ans maintenant que je fais des tournées, puis que j'ai toujours été en tournée. Lee, est-ce que c'est vrai que Johnny aurait pu travailler avec les Beatles? Ben, je crois que c'est le contraire. Les Beatles auraient pu travailler avec Johnny? Ben oui. Racontez-nous un petit peu. Ben, écoutez, moi, je me rappelle une fois, on était au Scotch Club à Londres, et Johnny bavardait avec John Lennon et Paul McCartney. Quand ils sont revenus de l'Amérique, ils étaient en pleine gloire et tout ça, et Johnny était assez impressionné par eux. Et à un moment donné, dans la conversation, John Lennon lui raconte que... Il n'y a pas longtemps, il y a quelques années avant, il travaillait en France dans les camps américains pour les militaires. Non, c'était en Allemagne, au Star Club. Et oui, mais moi, je te raconte autre chose. Et très grand, raconte. Ah, je comprends ce que tu veux dire. Alors, moi, je me rappelais que c'était en France qu'il travaillait. Non, c'était au Star Club, alors. Dans tous les cas, ce qu'ils ont raconté, oui. Si tu te rappelles bien, ils ont fait du stop... pour essayer de venir te rejoindre en tournée, pour te proposer d'être ton orchestre. C'est-à-dire que moi je savais pas. Les Beatles t'ont proposé de faire partie de l'orchestre? Non, pour être son orchestre, pour l'accompagner. Ah d'accord. C'était à l'époque où ils étaient au Star Club à Hambourg et ils jouaient là-bas. Et je me rappelle quand il te racontait ça, tu étais vraiment étonné, etc. Et moi, ce que, depuis cette histoire-là, j'ai toujours voulu te demander, est-ce que tu crois vraiment que tu les aurais engagés? Parce que finalement, tu n'as pas tellement aimé les Beatles, tu n'as pas été tellement fan des Beatles. Est-ce que tu crois que tu les aurais engagés? C'est une bonne question. Oui, sûrement, oui. Parce que... non, mais... Il faisait très bien du rock'n'roll. Oui, surtout John Lennon. Hein. Lee, vous venez nous rejoindre vendredi, bien sûr. Hein. Ouais. Sans problème, on compte sur vous. Ok. Au revoir. Au revoir. Le jeu Téléstar 10 000 francs à gagner? Non, un magnétoscope à gagner, c'est encore mieux. Regardez. 42 20 30 30 qui est aux côtés de Johnny. Une partie de la photo est dans Téléstar, une autre est sur TF1, ouais. Bon, c'est pas trop compliqué, ça va. Johnny, on se retrouve demain. Dire qui c'est. Tu peux le dire qui c'est? Ouais. Mais tu ne vas pas dire. Bon, d'accord. Tu veux pas dire. Tu peux donner éventuellement un indice. Vas-y. Moi, c'est un très bon copain, moi. Oui, un deuxième indice. Il est barbu. Il est barbu. Ah bah, c'est pas celui auquel je pense. Alors. Ah bon? T'es sûr qu'il est barbu? Bah, enfin, je crois, à moins que je me trompe. Bon, t'en as pas montré beaucoup, hein, c'est pas facile. Non, l'autre partie dans Téléstar. Rendez-vous demain, ok? À demain. À demain, passez une bonne soirée sur la lune. Nouvelle extrait de l'album de la semaine, Cadillac, sorti le 15 juin 1989. Voici Si j'étais moi, avec les participations de Vanessa Paradis. C'est ta voix qui dit dans la nuit. C'est toi, Johnny. C'est ta voix, mais c'est pas moi. Tu m'aimerais pas si j'étais moi. J'ai pris à ta vie plus que la vie. J'ai pris à ton corps plus que ton corps. Tu m'as donné une autre vie. Quelquefois j'en crève encore. J'étais moi. C'est ta voix qui dit dans la nuit. C'est toi, Johnny. C'est ta voix, mais c'est pas moi. Tu m'aimerais pas si j'étais moi. Je crachais par terre quand j'étais petit. Maintenant j'espère de tes nouvelles entre Roissy et Orly. C'est ma voix, mais c'est pas moi. Tu m'aimerais pas. J'étais moi. Pour toi, j'ai changé d'insomnie, d'alcool, de rêve et de confort. J'ai pris à ta vie plus que la vie. J'ai pris à ton corps plus que ton corps. Et tu m'as donné une autre vie. Quelquefois j'en crève encore. Oui, c'est ma voix, mais c'est pas moi. retrouvons à présent la vidéo recherche, l'émission à vidéo recherche du mercredi 11 octobre 1989. Alors, nous voici chez vous pour la troisième fois. Ça va, Johnny? Et toi? Oui, oh, superbe pompe. Rémi Grabach, faites quelque chose pour bien montrer les chaussures de Johnny, quand même. C'est quand même quelque chose de formidable. C'est... Il va falloir que tu en offres une paire, quand même, un jour. Hein. Non. Non. Comment ça s'appelle? Tu les mettrais ou tu les mettrais pas? Ouais, tu choses de combien? 43. Retire-les. Tu fais lui combien? 42, j'entre. Ah, mais elles sont grandes, hein. Non, mais attends, je vais essayer. C'est... bon appétit si vous vous mettez à table, car... Alors, attends. Attends, je pose le micro, hein. C'est une vacherie que tu m'as fait, là. Oh, bah, c'est bon. Regarde. Attends, je vais mettre la deuxième. Le problème, c'est que toi, tu peux pas rentrer dans les miennes, c'est du 42. Eh ben... Bah, écoute, ça te va très bien. Attends. Tiens. Attends. Regarde là. Je fais quand même. Tu vois, je peux le faire aussi. Pas de problème. Allez, descends. Bon. Tiens, t'essayes de mettre les miennes? Non, elles sont trop petites. T'as l'air de ridicule. Et moi, je veux jamais des trucs comme ça c'est pour les citadins, ça. Non, moi, je suis. Comment? Parce que toi, t'es un paysan, là? Non, mais qu'est-ce que tu me racontes? Non, ouais. Regardez la photo. Les personnes qui ont jalonné la vie de Johnny pendant ce temps-là, jurant ses chaussures, pour ne pas dire ses pompes. Voilà. Tiens. Alors, j'aurais quand même. Tu te rends compte que je fais un métier formidable. Un jour, j'ai fait une émission avec Brigitte Bardot, je me suis installé dans son lit, sans elle. Ah, dis donc, je ne crois pas. Hein? Pas sans elle. Sans elle. Non, c'est... Toi, avec elle? Ah, moi, jamais, non. Ah bon? Je suis pas Gainsbourg, moi. J'ai pas cette chance. Et là, je viens de mettre les Santiago de Johnny. C'est extraordinaire. Et la semaine dernière, je suis allé promener les jumelles de Denis Fabre. Ah ben ça, c'est un trip, ça. C'est extraordinaire. Et alors, quel effet ça fait? Je préfère le lit. Alors regardez la photo, parce que là on plaisante, mais vous devez nous appeler au 426-09-82-66. Et s'il y a des appels, eh bien on les passe tout de suite sur l'antenne. Auparavant, le jeu Téléstar, 10 000 francs. Non, un magnétoscope à gagner, ça me trouble. Un magnétoscope, c'est mieux. Alors regardez, 42-20-30-30, il y a tellement de numéros de téléphone que je dois apprendre par cœur. Qui est aux côtés de Johnny? Voilà. Et alors, parmi toutes les bonnes réponses, si la vôtre est tirée au sort et si vous l'avez mis sur le répondeur téléphonique, eh bien, vous aurez gagné ce magnétoscope offert par Téléstar et TF1. Qui est à l'appareil? Allô? Allô? Oui? Bonsoir, quel numéro? Patrick. Bonsoir, Johnny. Ça, c'est une voix que je connais. Bonsoir. Je crois que je suis le numéro 27. 27. C'est madame la directrice de la programmation de RTL, excusez-moi. Comment ça va, Monique? Monique Lemarcy. Ça va? Ça va bien, Monique? Comment? Ça va, toi? Très bien, t'es RTL, là? Ben oui. Ah, au boulot. Comme toujours. Alors, racontez-nous, Monique, un petit souvenir sur Johnny. Oui. Oh, il y en a tellement. Il y a des souvenirs. Mais je voudrais quand même revenir sur un souvenir un peu plus particulier, à la fois personnel et professionnel. Je ne sais pas si Johnny se souvient d'un jour où je l'ai fait réveiller un 1er janvier, un lendemain d'un réveillon. Tu as fait ça, toi? Hein? Tu as fait ça? J'ai fait ça. Je t'ai appelé, nous étions d'ailleurs dans la même région. Dans quoi? Dans la même région. Ça devait quelque chose comme ça. Oui. Je ne sais pas si tu te souviens, on avait imaginé sur RTL en ce moment. Non, mais je me rappelle très bien, mais tu ne m'as pas réveillé du tout, je t'ai réveillé. Ah bon, bah toi tu m'as enlevé l'illusion, là. Il était 3h, là. Non, mais dans la Creuse, tu sais bien qu'on se lève tôt. Même un lendemain de réveillon, j'ai cru que ce matin-là, tu avais accepté exceptionnellement d'appeler. Est-ce que je rappelle un peu l'anecdote? S'il vous plaît, madame Lemarcy. C'est-à-dire que ce jour-là, c'était juste après le palais des sports de Johnny. En ce 1er janvier, on avait imaginé de modifier complètement pour Johnny, parce que pour Johnny, on imagine tout, de transformer la structure d'une émission que tu connais, Patrick, qui s'appelle Stop ou Encore. Bien sûr. Et on a tout transformé ici. Et limité habituellement à cette chanson. Ce jour-là, on avait dit, bon, on arrête. Tant qu'il y a des encore, on continue. Et à un moment, j'ai reçu un coup de fil affolé en fin de matinée d'Evelyne Pagès qui me dit « Mais Monique, il faut trouver Johnny parce que nous n'allons pas avoir assez de disques. » Et il a fallu trouver Johnny et puis demander à Johnny, je ne sais pas si tu te souviens, d'appeler toi-même. Et c'est Johnny qui a appelé pour dire « Stop, arrêtez la diffusion de mes chansons. » Oui, il faut être pas zo. Oui, complètement. Monique, est-ce que... On n'a pas voulu en plus. Allô? Oui, monsieur, bonjour. Bonjour, c'est Johnny Hallyday. Ah bon, et moi d'abord, je vous appelle pour vous souhaiter une bonne année. Ah, Johnny, mais c'est vous, j'allais vous répondre. Ah bon, moi, je suis la Castafiore. Non, mais c'est vrai, c'est Johnny. Oui, oui. Bonne et heureuse année. Bonne année à tous les auditeurs de RTL, et puis ainsi qu'à vous. Mais merci, Johnny. Je vous appelle parce que je crois qu'il faut que je mette le stop, là. Parce que c'est passé depuis 9h ce matin. Et puis, il y a plein d'autres chanteurs à écouter. Il est midi un quart, vous tenez l'antenne depuis 9h. Je crois que c'est un fait sans précédent dans les annales de la radio. Eh bien, écoutez, je crois qu'il y a d'autres chanteurs à écouter maintenant. Ah, mais ça, il y en a. Mais vous avez enregistré 300 titres. Alors moi, j'étais prête à dire Johnny Hallyday, 297e titre. C'est l'auditeur qui a voté encore et que vous avez mobilisé une partie de la France, peut-être 30 ou 35 000 personnes, voilà, qui vous ont adressé ainsi des vœux de bonne année très concrets. Je souhaite à tous une bonne année 83. Je sais que Monique est très occupée puisqu'elle dirige la programmation de RTL, première radio de France, je tiens à le dire, à laquelle je suis fier d'appartenir. Est-ce que vous aurez quand même le temps de venir nous voir vendredi? Ah oui, je serai très heureuse d'être avec vous vendredi. Eh bien, nous aussi. Alors, à vendredi, Johnny. À vendredi, Marie. Merci infiniment. Il y a un autre appel téléphonique, il nous reste à une minute. Allô, qui est au bout du fil? André Pousse. André Pousse. Oh, Dédé. Comment ça va, André Pousse? C'est Dédé? Oui, c'est vous. Comment tu vas? Bien, et toi? Ouais, très bien. Ça va, t'es en forme? Ouais, super, et toi? Bah oui, ça va. Ça va, bon, oui. Ça va alors. André, on n'a pas vraiment beaucoup le temps là, il faut malheureusement rendre, enfin malheureusement c'est comme ça. Oui, Il faut être respectueux des horaires. Absolument. Vendredi, est-ce que vous viendrez nous retrouver? Oui, bien sûr. Est-ce que vous nous raconterez vendredi que vous avez été le premier agent artistique de Johnny? Oui, bien sûr, et puis on a fait notre premier film. Ouais, le premier film qui était... On peut pas parler argot dans ton émission, parce que d'habitude on se tutoie, tu veux qu'on se dise vous là? Non, bah non, je dis tu. Tu peux dire tu? Non, Jojo, c'est pas possible, je peux pas, mais je parle à Patrick. Non, tu peux dire tu, hein? Non, André, tu sais, il jouait le rôle de Monsieur Franck dans D'où viens-tu, Johnny? C'est lui qui me faisait passer de la drogue. Oui. Et qui ensuite m'a poursuivi avec Daniel Cauchy. Oui, Cauchy, ouais. Qui prenait des tartes tout le temps. Bon, André, rendez-vous vendredi, on parle de tout ça. Ok. Merci beaucoup d'avoir appelé. À vendredi, André. Au revoir. Entre D'où viens-tu, Johnny, et où irez-vous peut-être au Kenya avec le Safari Photo, eh bien, il n'y a qu'un point commun, c'est David Recherche. Vendredi soir, je vous expliquerai comment. Rendez-vous demain, tu viens comment demain que je... Demain, je sais pas. Hein, bon, je verrai demain matin. Tu viens comme tu veux, comme tu le sens. Hein. Ouais, d'accord. Bah, je te téléphone avant. D'accord, moi je mettrai mes ballerines. Rendez-vous demain. La suite, juste après ce titre. Extrait d'album Cadillac, l'album de la semaine. Rien à jeter.

C'est l'émission 538 ici sur Antenne de RG, l'émission Johnny 2 à Z avec l'album de la semaine Cadillac et également l'émission Avis de recherche présentée par Patrick Sabatier. C'était lors du 9 octobre jusqu'au 13 octobre et là c'est la soirée du Prime. Johnny va retrouver tous ses copains. Donc il y a des choses qu'on a entendues auparavant mais qui ne seront pas redites pendant l'émission. Ben ouais, il n'y a pas assez le temps pour ça et pourtant pour eux, ils ont dépassé largement le temps qui leur était imparti. Et on va revenir, on va retrouver Juna Aidé et tous ses amis lors de cette émission du 13 octobre, du vendredi 13 octobre 1989. Voici Avis de recherche, le Prime. C'est une émission exceptionnelle parce que l'invité est exceptionnel. Voici l'avis de recherche à Johnny Hallyday. Johnny, voilà, Johnny pour cette soirée exceptionnelle. Ça va? Et toi, tu vas bien? Pas trop nerveux. Non, tu vas vite présenter? Oh, moi, oui, ça va, ouais. On va se balader un petit peu dans ta vie, dans tes souvenirs. On verra aussi de quoi sera composé l'avenir. Je vois que tu es en pleine forme. Ça me fait tout à fait plaisir que tu sois là, tu le sais. Nous attendions de faire cette émission ensemble depuis longtemps. Tu es prêt à tout? On fait pas de jeu de la vérité, hein. Non, pas du tout. Tu me connais, tu peux avoir confiance. C'est pas que t'as des petites surprises pour moi. Des petits trucs, oui. Des petits j'ai essayé de voir un peu en coulisses, mais j'ai pas pu voir. On t'a rien dit? Hélas, non. J'ai essayé de savoir pourtant. Bon. Alors, Johnny, comme vous ne l'avez certainement jamais vu, parce qu'il ne sait pas ce qui va lui arriver, et je pense qu'à la fin de l'émission, vous le connaîtrez différemment. Alors, on t'a fait un petit décor sympa, Saint-Tropez. Ah oui. Rien ne vaut la réalité. Hein. C'est Sénéquier, mais il est un peu petit le Sénéquier. Oui, mais on a fait un petit éclat d'œil à Saint-Tropez. Est-ce que c'est vrai que c'est le plus bel endroit du monde pour toi? Bah, écoute, moi j'aime bien Saint-Tropez et ça depuis très très longtemps. Moi j'ai voyagé pas mal, surtout en vacances, et j'allais au bout du monde, j'allais aux Seychelles, j'allais à l'île Maurice, j'allais partout, toujours à des 10h, 15h, 20h d'avion. Et puis finalement, chaque fois que je reviens à Saint-Tropez, je me dis quand même, c'est quand même con d'aller si loin, alors que c'est quand même formidable chez nous. Tu te l'as fait construire la maison ou pas alors? Oui, bien sûr. Là, elle sera finie logiquement en février. Alors Saint-Tropez, tu connais Saint-Tropez, je crois, depuis les années 60. Oui. Et c'est vrai que c'est un endroit où tu vas chaque année. On m'a dit que tu avais passé un été très chaud à Saint-Tropez. Tu t'étais bien amusé. Mais il a fallu que j'aille me reposer à Quiberon, oui. En tout cas, tu es en pleine forme. Tu sais, Saint-Tropez, c'est vrai que bon, c'est Néquier. Bon, là, c'est une apparence du gorille. Tout à l'heure, il y aura un orchestre là-devant, ce qui arrive également à Saint-Tropez. Mais Saint-Tropez, c'est également les copains, c'est vrai. C'est les copains, c'est... Bah, c'est-à-dire, Saint-Tropez, c'est les copains l'été, surtout, oui, parce que Saint-Tropez, c'est une ville de fête. Il y en a quelques-uns qui arrivent, hein, tu vois, les copains. Et puis quand on y va l'hiver, l'hiver, c'est une vie tout à fait normale. Ah, voilà, venez nous revoir, les copains, Norbert Saada est là, Jacqueline Vessière, Gu, le célèbre restaurateur, il y a également Jean-Claude Navarro, Michel Gaillard et puis Alan. Allez, venez vous installer, on va parler un petit peu de Saint-Tropez et puis parler des relations que vous avez avec Johnny. Voilà, Norbert qui nous apporte Ségur, bah oui, ça sent le grand restaurateur. Tiens, Gull, qu'est-ce que c'est que ça? Les alouettes sans tête. Il nous l'avait promis, il l'a fait. Hein. Bon, alors, tiens, Gull, vous allez vous asseoir. Tenez, mettez-vous près de moi. Alors, vous voyez ce soir que Johnny est en pleine forme. Moi, je voulais savoir. Johnny et la bouffe, entre guillemets. Alors, c'est un bon... La bouffe, c'est un très bon mangeur. La bouffe, c'est très important. Surtout quand on est en tournée, parce que moi, en général, je ne mange pas de la journée. Je prends un petit déjeuner le matin, enfin le matin quand je me lève. Et je mange pas avant que le spectacle soit terminé, c'est-à-dire minuit, 1h du matin. Mmh. Et c'est, pour moi, la bouffe, c'est très important parce que c'est le seul moment où vraiment je dîne. Mmh. Et puis, c'est le seul moment où vraiment on se détend un petit peu avec les musiciens, des amis éventuellement qui seraient venus nous rejoindre en tournée. Mais est-ce que tu aimes te mettre à table? Ah, moi, j'aime bien me mettre à table, oui. Johnny aime bien la chaleur de la table. Hein? Il aime bien la communion de la table. Alors, si la communion de la table, comme chez nous, on essaie toujours de la mettre en évidence, Et quand il arrive, alors en plus on connaît les plats qu'il aime. Alors qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il aime? Ah ben il aime les poivrons grillés au vinaigre que j'ai apporté d'ailleurs. Il aime ses petits champignons, il aime le basilic, il aime de temps en temps des petites côtes d'agneau grillées accompagnées de pâtes. Il aime tous ces trucs-là. C'est-à-dire qu'il avait la pizza aussi. Et la pizza, bien sûr, j'ai pas osé en parler. La pizza, parce que c'est au feu de bois, c'est quelque chose. Et puis les pâtes que tu fais l'été, c'est les pâtes au basilic. Les pâtes au basilic, les pâtes au pistou. Avec le secret que lui il a, c'est qu'il rajoute de la tomate pochée dedans. Ouais. Ah ouais, la tomate juste pochée avec la bonne huile d'olive et tout. D'ailleurs, là, il y a un bocal, là, je te l'emporte. Ouais, on va se le partager quand même ce soir, d'accord? Il n'y a pas que Johnny qui va en profiter. Parce que Johnny, bien sûr, j'ai apporté ça, les alouettes à sa tête pour que les mangent tous ensemble. Parce que Johnny, il y a plus de 30 ans qu'il mange chez moi. Jean-Claude, moi, je me suis demandé. Est-ce qu'on pouvait être ami avec Johnny sans être dans le milieu du showbiz? Et là, je me suis aperçu que Jean-Claude Novaro, que vous découvrez, est un homme qui n'a rien à voir avec le showbiz, mais c'est un artiste. Et vous vous êtes rencontrés comment? Parce que ça, c'est important aussi. Ben, on s'est rencontrés... moi, je tournais Conseil de famille avec Costa Gavras à Jean Lépin. Et un soir, bon, je décide de changer un petit peu d'endroit pour dîner, puis je me renseigne un petit peu, puis on me renseigne sur un restaurant à Biote qui s'appelle le restaurant Les Arcades, qui, moi, je voulais manger typiquement provençal. Hein. Alors, c'était soi-disant un des meilleurs restaurants provençal de l'endroit. Donc, j'y vais pour dîner, et puis sur les tables, il y avait des vases de Novaro que je ne connaissais pas. Et je demande à la patronne Mimi du restaurant Les Arcades d'où elle a ses bases. Elle me dit c'est un ami à elle qui était souffleur de verre à la verrerie de Biote qui fait ses bases et puis qui est devenu artiste, qui n'est plus du tout souffleur. Bon. Et elle me dit, mais il y a le magasin qui est tenu par son frère, qui est à côté, je vais voir le magasin et j'achète des vases. Et entre-temps, lui, ce soir-là, il n'était pas là, parce que ce soir-là, il avait été à Nice pour voir Mad Max 2. Mm-hmm. Et ensuite, bon, il revient, et puis, bon, on fait connaissance, on parle, on mange ensemble. Moi, c'est la deuxième fois que je mangeais de la soirée. Et on est devenus copains comme ça, Jean-Claude, non? Parfait, oui. Est-ce qu'on peut être amis quand on n'est pas du show business avec Johnny Hallyday? Oh, tout à fait. Oh là là, il m'a surpris par gentillesse. C'est dur à dire, mais j'étais vraiment surpris par Johnny. Quand il n'est pas Johnny Star, il est Johnny comment? Parce que vous le connaissez, sans le costume. C'est un homme merveilleux, très très super. Il m'a vraiment impressionné par sa gentillesse, par son cœur. C'est vrai. Il vous a aidé aussi, non? Pardon? Un petit peu, il vous a aidé à vous faire connaître bien aussi. Bien sûr, tout à fait. Il m'a même aidé à faire du verre. Ouais, ça c'est pas pour mon truc, c'est amusé, il fait chaud là-dedans. Il s'est amusé à souffler du verre avec moi. Ce n'est qu'une partie de ce prime time. David de recherche de John Hallyday, on le retrouve Johnny sur l'album de la semaine Cadillac de 1989. J'irai là-bas. Et avec son titre Himalaya. Mon monde sur un toit. J'irai là-bas si je sais. Tu es là, j'irai vers toi, sans gants, souliers, ni cher pas, j'irai vers toi, Himalaya. J'irai là-bas, malgré le froid ou la loi, j'irai vers toi, comme l'on va au combat. Yeah. que tu te souviens, tu t'en souviens certainement d'ailleurs, toi qui ne refuses jamais un autographe, un jour, t'as pas osé demander un autographe à quelqu'un. Il y a 15 ans. Mmh. Oui, c'est vrai. Mais il faut beaucoup de courage pour demander un autographe à quelqu'un. C'est pour ça que, en général, je ne refuse pas les autographes. Il y a 15 ans. Il y a 15 ans, c'est à l'époque où je commençais le film Terminus. Ça doit être il y a à peu près 4 ans. Et là, tu étais à côté de lui. J'avais son livre sur moi parce que bon, il y avait son film La fièvre dans le sang qui passait à la Cinémathèque. Et puis après, il y avait un débat avec Kazan, donc j'y étais. Et puis j'avais sur moi son livre Kazan par Kazan que j'avais depuis quelques années et que je voulais absolument lui faire signer parce que moi, je suis un grand admirateur de Kazan. Et puis bon, après, on me l'a présenté, il a discuté un peu avec moi. Pendant toute la discussion, je pensais qu'à une chose, c'était sortir mon livre pour lui demander de me faire un autographe. Et puis bon, je me suis dégonflé, j'ai pas osé. C'est pour ça qu'en général, je refuse pas d'autographe parce qu'il faut beaucoup de courage. J'ai son livre. C'est son dernier livre, mais il n'y a rien. Ah bah non. Pas d'autographe. Ben oui. Parce que, évidemment, il fallait lui demander. Ben on va lui demander. Monsieur Elia Kazan. Monsieur Elia Kazan. Voilà. Vous voyez cette dame, Monsieur Kazan, please. Voilà, on va lui mettre une oreillette de façon à ce que la conversation soit tout à fait compréhensible, accessible pour tous. Alors je dois dire que là, évidemment, c'est une surprise pour celui. Je suis très intimidé là maintenant, tout à coup. Là. Est-ce qu'il faudrait que vous preniez une oreillette? Vous ne voulez pas. Alors donc, on va essayer de nous arranger autrement pour la traduction. Télé, take your micro, please. Yes, ok. Alors, il y a 15 ans, Johnny Hallyday, ils s'étaient rencontrés il y a 4 ans. Et Johnny n'a pas osé lui demander un autographe. Ce soir, ce sera une chose qui sera faite. Je voudrais savoir, Elia, puisque vous avez créé une vie, que vous voyez, un roman paru chez Grasset, est-ce que c'est par peur de perdre la mémoire que vous avez écrit ce livre? You don't understand French. You did write that book because you are afraid to lose the memory of the time or memory of myself. Yes, oui, exactly. Moi-même, cette histoire de moi-même. Le micro. Cette histoire de moi-même, c'est ouais. Ma vie, c'est dans ce livre, et c'est un très bon livre. C'est un très bon livre. Est-ce que vous avez 4 fois 20 ans, je ne dis pas 80 ans, vous avez 4 fois 20 ans, c'est-à-dire vous avez l'enthousiasme de 4 hommes qui ont 20 ans chacun. Et moi, j'ai lu déjà d'autres livres qui étaient des best-sellers. Celui-ci, vous avez eu envie de dire la vérité. Pourquoi avoir eu besoin de dire la vérité maintenant? Why do you want to say the truth now? Well, it's my last chance. Parce que c'était sa dernière chance. Everything. I'm 80 years old now, you know, and if I don't do it now, I'll never have the energy. C'est très difficile d'écrire un livre comme ça. C'est difficile. Trois ans et demi. J'écris chaque jour. Vous avez commencé à écrire très tard dans votre vie. Je crois que quand vous avez commencé à écrire, vous aviez 55 ans. When you started to write, you were 55, right? Correct. Yeah. Et pourquoi avez-vous écrit si tard, alors que vous avez fait du cinéma très tôt et que le cinéma est une forme d'écriture? Moi, j'ai quitté le cinéma, et 3 ans et demi, j'écris chaque jour. Yeah, the question he asked is, you started in the movie as a director very early, and why did you start to write so late? Because I was making so many films. Parce qu'il faisait beaucoup de films et qu'il n'avait pas le temps. La dernière fois que vous avez fait un film, je crois, il y a 15 ans, j'espère ne pas me tromper, c'était le dernier Nabab. Was that the last Nabab? The last film I made. But I wrote some books, other books before. I wrote some other books before. Non, mais je parle de film. Le film, c'était le dernier Nabab. Je crois que vous allez avoir un autre film, là, prochainement, avec Juliette Binoche. Vous allez tourner avec Juliette Binoche. Est-ce que vous n'avez... Le producteur est Anatole Daumont et l'équipe est toute française, ouais. Complètement française. Et est-ce que vous n'avez pas peur d'avoir perdu la main? 15 ans sans cinéma. Ah, c'est pas facile. Pas. What did he say? He said you were not afraid to have lost the habit of making movies because you haven't done any movie for the last 15 years. C'est comme une bicyclette. On n'oublie jamais. Vous avez une vie un peu tiraillée, toujours entre l'Est, l'Ouest, le cinéma, le théâtre. Et puis aussi, vous avez une vie travaillée entre les femmes. What's he saying, Johnny? J'ai pas compris. Une vie. Je suis très à procéder, moi. Non, non, mais c'est formidable, moi, d'avoir comme traducteur Johnny, avec il y a 15 ans, je vis un grand moment de télé. Une vie qui a toujours été entre l'Est et l'Ouest. You always had a life between East and West. Ciné and theater. Movie. I always wanted both, though. I was. Oh, I always wanted both. I was born in Europe. Il est né en Europe, en Turquie. I'm also an American. I'm a European and American both. Est-ce que vous trouvez que les femmes ont un rôle déterminant? You think that women have determinate roles in your movies or in your life? My very big, sure. My mother. Absolument. Ma mère. Without her, I wouldn't be here. Sans my grandmother. Pas là, ma grand-mère. My first wife. My second wife. Ma première, sa deuxième, sa troisième, sa quatrième. Est-ce que vous aimez le rock and roll? Ouais. Do you like, if you oh, like, I rock, like and rock and roll? Oh, yes. My children have rock and roll. The only thing I don't like about rock and roll is they play it too loud. C'est trop fort. Mais ils aiment le rock and roll. Ses enfants écoutent le rock and roll. Il y a 15 ans, je vais vous demander de dédicacer votre livre à Johnny Hallyday. Il n'a pas osé le faire il y a 4 ans. Yes, you know, the first time I met you at the Cinémathèque, I had your book, you know, Kazan by Kazan. Yes. And I, well, I didn't have the guts to ask you to sell it for me. Well, ask me now. Alors, je vais vous demander de le faire maintenant, car c'est Johnny, une, to you. Une surprise. Yes, oui, à Johnny. Et j'aurais une dernière question à vous poser. Moi, je suis très content que Johnny... et fait la traduction, comme ça, et très content que vous soyez l'un à côté de l'autre là, dans cette émission. Non, mais c'est une grande joie pour moi de ça. Voilà. Alors, donc, Elia Kazan, qui est un cinéaste, créateur de l'Actor Studio. Thank you very much. J'ai deux questions encore à poser. Vous avez créé l'Actor Studio. Johnny est un fan, comme nous tous, de James Dean. Nous adorons aussi Marlon Brando. Marlon Brando. Et vous ne parlez pas beaucoup de Marlon Brando dans votre livre. Assez. Assez? I speak enough about it. Il dit qu'il en parle assez. Est-ce que vous avez revu, c'est assez bien pour lui, est-ce que vous avez revu Marlon Brando depuis 1954, depuis sur les quais? Did you meet Marlon Brando since on the waterfront and no. All the movies? Oh, yes, wait a minute, I beg your pardon, yes, I wanted him to play in the arrangement. The arrangement. Yes. And we went and got his hair. On l'a coiffé, on l'a coupé les cheveux, etc. Puis un jour, il a dit, tout d'un coup, il a dit qu'il voulait plus jouer. C'est la dernière fois que je l'ai vu. I didn't like that. J'ai pas aimé ça. Dernière question, il y a 15 ans. On vous remercie, car je sais que maintenant votre temps est compté. Vous êtes d'origine grecque. Vous vivez aux États-Unis. En quoi la France est votre seconde patrie? J'aime Paris beaucoup. J'aime New York. First. Et après cela, Paris. Après cela, Istanbul. J'aime les villes, mais the people are nice. Les peuples sont les gens sont sympathiques et jolis. Très intéressant ici. The food is too much. La nourriture est très bonne. Je souffre maintenant de l'ancienne cuisine, trop ancienne cuisine ici. Oui. Vous avez un grand restaurateur derrière, Monsieur Kazan, et également de bons restaurants. Si vous voulez, il y a un bon restaurant en ce moment, c'est à la Rotonde, hein, Johnny? La Rotonde chez Alan. Oui. Chez Alan. Et donc, tu pourras l'y conduire. Mr. Kazan, thank you. Thank you. Et je vous dis donc à très bientôt pour The Next Film, le prochain film avec Juliette Binoche, right, film français. Et il y a 15 ans, on peut l'applaudir. Johnny Hallyday. Thank you. Sit down, sit down. Just a moment. 1 minute. 1 minute again. Will you sit down 1 minute again? Tout de suite, je vous prépare, je vous propose... Le jeté des stars. Pendant ce temps, M. Kazan va nous quitter et Johnny va se mettre en place pour une chanson qu'il va interpréter. C'est le titre de l'album, c'est Cadillac. Alors donc, M. Kazan et Johnny. Le jeté des stars. Qui est aux côtés donc de Johnny sur cette photo? Vous appelez et si votre réponse est tirée au sort, bien sûr c'est les bonnes, c'est vous qui empocherez la jolie somme de 10 000 francs. Tout à l'heure il y aura une autre photo à 20 000 et la super photo à 70 000. Trois chansons de Johnny, beaucoup de surprises encore, beaucoup beaucoup beaucoup de surprises. Mais ça, eh bien vous allez le découvrir car vous allez rester

Voici tout de suite la suite donc de la vie de recherche de Johnny Hallyday. C'était le vendredi 13 octobre 1989. Johnny retrouve d'autres personnes importantes dans sa vie. Desta Hallyday, Lee Hallyday. Là, il y a ton service militaire représenté par le colonel, oui, qui est devenu général, général Rovo Dallone. Et l'adjudant Collet également là. Alors c'est vrai, on va commencer par le service militaire, je reviendrai bien. Attends, j'ai quelque chose d'abord à t'offrir. Quoi? Non, parce que tu fais mon émission. Enfin, tu fais la mienne là. Ouais, c'est ce que je dis. Bon, ben là, on fait la même, quoi. Enfin, on fait la même. J'aime pas quand non, tu parles comme ça. Parce que j'ai fait quelque chose pour toi, tu vas m'enlever ça. J'ai vu ton nom. Ça, c'est pour pas ton douleur. Ah, c'est pas plaisir de le porter, quand même. Hein. Où est la guitare? Oh, c'est avec ça. Ah, ben écoute, ça me fait plaisir. Voilà. C'est sympa, hein? Il est pas mieux comme ça. À partir de maintenant, ça sera comme ça tous les vendredis soirs, qu'on se le dise. Bon, alors, l'adjudant Collet, je voudrais faire parler d'abord le colonel, qui est devenu général, le général Rovo Dallone. C'est vrai qu'on a fait allusion tout à l'heure au service militaire, c'est 1964. Oui. Et c'est vrai aussi que c'est vous qui avez demandé à ce que Johnny vienne chez vous à Fulbourg. Ah oui, oui, oui, oui, j'avais demandé ça au ministre, qui... Est-ce que vous aimez le rock'n'roll? Non. Oui, pas tellement, mais c'est pas ça. Non. Mais je trouvais que Johnny Hallyday était un type formidable parce qu'il avait réussi en une heure ou deux à faire casser une centaine de fauteuils. Alors, j'ai dit quand même, ce type-là, il a des qualités de chef. Hein? Si on n'est pas fichu dans l'armée d'en faire quelqu'un de bien, c'est qu'on est des imbéciles. Alors j'ai dit ça au ministre, qui était Pierre Messmer, qui était un vieil ami. Il m'a dit, tu es fou? Je lui ai dit, oui, d'accord, c'est connu. Mais je voudrais quand même qu'on me le donne, on me l'a donné. Est-ce que c'est vrai aussi que vous étiez pour le port des cheveux longs à l'époque? Je m'en foutais complètement. Excusez-moi de vous avoir dérangé, hein, mon général. Non, mais Johnny le savait très bien. Moi, je confiais aux soldats qui m'étaient confiés, qui étaient des jeunes Français de 20 ans, si vous voulez, des chars, des canons, des machins qui coûtaient des millions, des merveilles. Et puis, je leur faisais confiance, parce que si on veut que le type fasse quelque chose de convenable pour défendre le pays, il faut leur faire confiance. Si vous ne leur faites pas confiance, oui, ça ne va pas marcher. Hein? Alors, les cheveux, qu'ils soient longs ou courts, moi, alors je vais vous dire, j'ai rien à en faire. Hein? Je suis content de l'entendre. Ben, c'était la liberté absolue, parce qu'il y avait des choses que j'exigeais, parce que c'est comme ça dans l'armée, mais les cheveux, alors là, c'était une chose secondaire pour moi. Je pense que quand on coupait les cheveux ras aux gens, c'est parce qu'il y avait des poux pendant la guerre de 14. Mais on avait... c'était le seul remède, mais il n'y avait plus de poux en 60, je ne sais plus quoi, 3 ou 4. Hein? Alors... Mon adjudant, c'est vrai que c'est, si vous étiez un peu confident de Johnny, vous étiez bon copain? Ah ben c'est pas à moi qu'il faut demander ça, hein? C'était Johnny. Alors c'était une peau de vache, l'adjudant Collet. D'abord, on l'appelait la main au collet. Ouais. Parce qu'il m'aidait à faire le mur, enfin, je peux le dire maintenant, on n'est plus à l'armée, et toi et moi. Hein. Il m'aidait à fermer le mur le soir. Je n'écoute pas. Je faisais la fête avec lui à Strasbourg. Et puis il m'aidait à refaire le mur le soir donc pour rentrer. Et puis le matin au rassemblement, il me collait. Ça va? Ah, les corvées, par exemple. Il est bien l'adjudant Collet. Oh, pas mal. Non, mais on a passé le bon moment ensemble. Bon, vous restez avec nous. Là, il y a Desta et il y a Hallyday. Alors, c'est vrai que, vous le savez, la vie de Johnny, au départ, ça a été d'abord Hélène Marr, c'est-à-dire la maman de Desta et d'une autre fille qui s'appelait Ménène. Et c'est Hélène Marr qui a élevé, on peut dire, Johnny. Et Desta et Johnny, vous avez vécu combien de temps ensemble? De l'âge de 2 ans, c'est ça? De l'âge de 2 ans jusqu'à le début de sa carrière, quand ma fille est née, Carole. Alors, on voyageait à cette époque-là. 14 ans, oui. Comment? 14 ans. 14 ans. 14 ans ensemble. On m'en a fait baver au ciel. Enfin. Vous étiez danseuse moderne. Danseuse classique, et après je suis devenue danseuse moderne. Vous avez rencontré Lee. Avec Lee. Lee Hallyday. Alors, Lee Hallyday, parce que au départ c'est Jean-Philippe Smet. Donc, c'est vous qui avez donné le nom à Hallyday? Non, je ne l'ai rien donné du tout, il a fauché. Mais vous-même, vous aviez... Il me fauchait mes voitures. Et... Mais vous-même, vous aviez fauché ce nom à quelqu'un d'autre aussi, non? Exact. D'où ça vient Hallyday? C'était notre docteur de famille en Oklahoma. En Oklahoma, un docteur qui s'appelait Hallyday. Il s'appelait d'ailleurs John Hallyday. John Hallyday. Et donc c'est pour ça que Johnny s'est appelé Hallyday. À partir de quand t'as pris ce nom-là de départ, hein? Alors, au départ, quand j'ai commencé à chanter, il y a toujours des idées farfelues, cet Américain. Il voulait que je m'appelle Johnny Rock. Tu vois, aujourd'hui, ben, Johnny Rock. Ouais. Ça, ben, c'est Johnny Rock. Non, ça va pas du tout. Alors, et puis finalement, ils avaient un nom qui apportait famille, donc qui apportait bonheur à la famille Ketchum. Qu'ils ont repris d'ailleurs comme nom porte-bonheur, et moi bon j'ai repris le même nom parce que pour moi c'était un nom porte-bonheur. Alesta, l'idée de rester parce que bon là vous voyez Johnny Star, et pas star aujourd'hui, star depuis de très longues années, et puis star encore pour longtemps parce qu'on l'aime tous beaucoup. D'ailleurs il n'y a qu'à voir le public, l'accueil à chaque fois qu'il fait des émissions de télévision. Mais ça n'a pas toujours été comme ça, et il fut une période, vous le savez, Johnny s'est né en 43, où au départ, personne ne voulait et personne n'y croyait. Comment ça s'est passé, Lester, au départ? Ah, c'était la galère. Parce que partout où il a chanté aux touristes, à l'Orée du Bois, au Globe, ce sont tous des endroits qui n'existent plus maintenant, mais où il y avait plein de chanteurs. On disait, il chante faux, il chante mal, il est hérésillé après la première fois. En plus, il était très jeune, et à l'époque, tous les chanteurs avaient 30 ans au moins. Alors, les impresarios nous disaient, il y a 8000 chanteurs en France qui sont sans travail, qui fassent autre chose. Alors, on était totalement désespérés. Et j'ai demandé à M. Martini, qui était un ami à moi, et qui avait le drap d'or à l'époque, et où passait une chanteuse, Roberta. Alors, je lui ai dit, écoutez, je vous en prie, qu'elle écoute Johnny, pour me dire s'il chante bien, s'il joue bien de la guitare, et si vraiment il vaut quelque chose. Alors, je me rappellerai toujours, Lee nous avait conduit au Val d'Or et Lee était tellement déprimé qu'il est resté dans la voiture. Johnny et moi stoïques, on est montés voir Roberta et elle l'a écouté, ben alors vraiment religieusement. Et elle me dit non, ce garçon a du talent, il faut vraiment la peine, il faut qu'il continue. Tu te rappelles? Bon, enfin, il faut qu'il continue. Oh, on te rappelle des souvenirs ici. Oui. Et il va aller voir Pierre Mandelson, qui avait l'émission Paris Cocktail à l'époque. Et il ira de ma part. Parce que naturellement, il fallait être introduit. Bon, alors, il arrive là-bas, au Casino de Paris. Oui. Il arrive au Casino de Paris, je me rappelle, j'étais avec lui. Et lui était traîné derrière, parce qu'il me dit vraiment ras-le-bol, ce qui était normal d'ailleurs. Et il y a une chose extraordinaire. Il chantait une chanson que Pierre Mandelson avait traduit de l'américain en français. Alors du coup, il était à 100%, il a dit « je le prends, je l'engage et il va faire Paris Cocktail ». Alors quand on dit que, et je ne fais qu'une comparaison, que Tintin est aimé de 7 à 77 ans, moi je peux vous dire que Johnny, et c'est ce qui fait que c'est une des rares, moi je dirais la seule star en France, c'est que Johnny, il est aimé par tout le monde, par tous les publics. À tel point que tout à l'heure, on a vu Elia Kazan. On parle de l'âge. Qu'est-ce que ça veut dire quand on voit Elia Kazan qui a 80 années À 80 ans, je voudrais bien être comme lui à 80 ans. Eh bien, la femme que tu as vue en 1960, elle est là également. C'était une chanteuse à l'époque. Elle a arrêté de chanter car elle a aussi 4 fois 20 ans. Et quand je dis que Johnny plaît à tout le monde, je dis que c'est pas simplement aux jeunes qui ont 8, 9, 10, 15, 18, 22, 23, 30, 35. C'est également aux dames qui sont un peu plus âgées. Voici Madame Roberta quelques années après, elle a 4 fois 20 ans elle aussi. Madame Roberta! Venez, je vous en prie, vous allez pouvoir vous installer, Madame Roberta. Et c'est vrai que vous avez cru, bonjour, c'est vrai que vous avez cru... Attendez, prenez le micro s'il vous plaît. Est-ce qu'il est vrai, Madame Roberta, que vous avez dit de Johnny, quand il est arrivé, Johnny est né sur mon tapis, j'ai vu un grand lévrier blond, très beau, enfin je ne dirais pas le prix, voilà. C'est vrai, oui. J'ai vu chez moi arriver une espèce d'animal grand, blond, beau, sympa, et c'était pas mon style, parce que ce qu'il chantait, ça n'avait rien de commun avec ce que je faisais. Et je lui ai dit, ben, montrez-moi ce que vous savez faire. Alors, il a sorti sa guitare, il a bougé ses grands bras, comme si plutôt petite, ça m'impressionnait beaucoup, je veux dire. Et il a commencé à chanter un rock effréné, il s'est roulé sur mon tapis. Et j'ai dit, c'est très bien. Et j'ai dit à Desta, c'est de la graine de vedette. Elle me dit, vraiment, vous croyez? J'ai dit, je suis sûre, on va téléphoner tout de suite. Et j'ai appelé Mendelssohn, qui était un ami. Je dis, écoute, je vais t'envoyer un type, tu vas voir, c'est formidable. C'est un enfant encore, il a 16 ans, 17 ans, c'est un ouais, monde. Absolument. Mais il est formidable, tu verras. Puis vraiment, il en veut. Et ça, dans notre métier, les gens qui en veulent vraiment, c'est important. Aujourd'hui, les jeunes, ils n'en veulent pas, ils veulent du fric. Eux, à leur époque, ils en voulaient. Ils travaillaient et Johnny, chaque fois qu'il se présente devant un public, même qu'ils ne sont pas de ma génération, je ne loupe jamais une de ses apparitions. Et ce qui m'éblouit toujours, c'est qu'il arrive avec un travail perlé, extraordinaire, formidable. C'est toujours un respect énorme pour le public. Et ça, j'apprécie. Merci pour votre témoignage. Titre suivant, extrait de la semaine Cadillac, sorti le 15 juin 1989. C'est du vent. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez aussi regarder. Ah, je vais le dire après. Moi, je le dis en même temps. Tout l'audio que vous avez écouté ce soir, vous pouvez retrouver les vidéos également sur YouTube et sur Facebook. Vous tapez avis de recherche Johnny Hallyday et vous allez le retrouver de suite. Entre nous, un front s'est creusé, tranché, barbelé. On va pouvoir se tuer de loin. L'amour c'est du vent inconnu. L'amour c'est du temps disparu. Comme un vieux soldat inconnu qui marche jamais. Sur l'océan. Alors, je disais, on peut retrouver toutes les vidéos hein, de ce que vous écoutez ce soir dans cette émission spéciale Album Cadillac et surtout Avis de Recherche. Maintenant, vous avez vu comme Johnny est habillé depuis le début de l'émission. C'est une nouvelle ligne de vêtements qui va sortir à partir du mois de janvier, c'est ça? C'est une ligne de bon goût. Une ligne de bon goût, mais ça, on n'en doutait pas, mon cher. Tu vas regarder, peut-être transformé, tu es beaucoup bien, mieux. Je me sens bien comme ça. Je me sens bien. J'aurais peut-être. J'ai fait mettre Patrick pour pas qu'on te le vole. Hein. Oui, mais puis j'aurais peut-être pas été bien avec Denis Fabre comme ça la semaine dernière, mais avec toi, ça va. Bon, alors, c'est vrai que tu as dessiné des vêtements, comment ça se passe? Non, moi, j'ai rien dessiné du tout. On m'a présenté des vêtements que j'ai trouvé bien. C'est des vêtements bon, qui sont un petit peu à base de western, un peu. Bon, il y a des bottes, il y a des chemises, il y a des chaps, tu sais, c'est ce qu'on met pour la moto ou pour le cheval au-dessus des jeans. Bon, il y a plein de choses, il y a des gilets, des blousons, des... Bon. Bon, on en parle, ça serait mieux que vous le regardiez. Alors voici... Ça s'appelle Western Passion. Western Passion, ça sera donc en vente à partir du mois de janvier, début janvier 90. C'est pas un défilé, grand truc, non. On a fait ça entre nous, c'est en primeur, en exclusivité pour l'émission. Johnny nous a... demander comme ça de présenter ces mannequins et nous on a évidemment accepté parce que ça nous plaît beaucoup. Non, c'est pas vrai. Tu m'as dit d'où vient cette chemise, j'ai dit que ça faisait partie de ma prochaine collection. Tu m'as dit oh, ben, c'est formidable, il faut la présenter. Moi je t'ai rien demandé du tout. Hein. Attendez, on reprend. Il m'a dit à condition que j'ai quelques chemises. Ah c'est pas vrai. Alors là c'est pas vrai ça. Ah ça c'est pas vrai. On reprend tout. Alors, Johnny a insisté pour qu'on présente sa collection. C'est pas moi, c'est toi quoi voulu. On l'a fait. Voici à la demande de... Merci d'avoir assisté pour ma collection. Merci à la demande de l'équipe d'Avis de Recherche qui a supplié Johnny de nous montrer ses quelques modèles. Ça va là? Ça passe? Ouais, ça c'est mieux. Bon allez, c'est parti! De Johnny à partir du mois de janvier 1990. Ah ça pour passer incognito, c'est parfait. Non, là c'est bien, je vais choisir un modèle comme ça. Regardez encore les modèles, je vais en choisir un pour présenter à partir de 90 comme ça. Donc il n'y a aucun problème. Toi tu auras les chaps pour aller avec ton père. Ouais, je suis pas obligé quand de prendre... Quand tu auras ton Harley Davidson. Je suis pas obligé de prendre de l'assaut quand même. Non, bon, donc aucun problème. Maintenant, messieurs, on vous applaudit, je vous dis merci. Merci aux mannequins. Je leur ai demandé. Voilà, alors ça c'est les copains de Tony. Voilà Françoise, vous allez pouvoir venir là. On est en famille hein, ce soir. Voilà. Alors je voudrais un petit peu qu'on parle tous ensemble, c'est vrai. Tiens, Tony, Françoise, Jacques. Ils ne sont pas vus, évidemment. Tout ça, c'est la surprise. Sacha Distel, Long Chris et Tony Franck Laquier. Le photographe. Je voudrais d'abord commencer par Françoise, qui est là, Françoise Hardy. Est-ce que si... Ça va, Françoise? Ça va. Alors, Françoise. Françoise pourrait être là. Elle ne l'est pas, mais elle pourrait être la présidente du fan club de Johnny. Ah, oh, faut pas exagérer quand non, même. Non, c'est vrai, tu adores Johnny, mais... tu adores le personnage et ce qu'il fait depuis toujours, toi. Non, mais je suis très très admirative de Johnny depuis le début, en fait. Mais particulièrement, j'ai été touchée par son dernier spectacle, j'ai trouvé vraiment un sommet, à tout point de vue. Mais j'ai peur de dire un petit peu des la palissade. À partir du moment où on vous demande pourquoi vous admirez quelqu'un, bon, c'est difficile parce qu'on dit les choses que tout le monde sait en réalité. Je crois que Johnny est un des rares à avoir en France autant de professionnalisme et en même temps autant de charisme que les meilleurs étrangers, quoi. Moi, je le compare facilement à Elvis Presley, à David Bowie, à des gens comme ça. Il n'y en a pas beaucoup en France. Il y en a très peu. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Sacha Distel. Tu sais que Françoise, qui est une personne très, très discrète, quand j'étais au service militaire, elle m'écrivait des lettres d'encouragement, de gentillesse tous les jours. Je n'y ai complètement fou. Je ne sais pas si le public le sait. Moi, fou, non, pas du tout. Sacha, c'est toi. On se voit pas très souvent parce que c'est assez amusant. Chaque fois qu'on se voit, il me raconte cette histoire que j'ai pas cessé de lui écrire pendant son service c'est militaire. Vrai, c'est vrai. Je peux vous dire solennellement à tous ici que c'est entièrement faux. Non, non, non, non. Sacha Distel, c'est toi qui as fait Sacha découvrir Saint-Tropez à Johnny. Oui, c'est-à-dire qu'avant ça, j'avais fait une tournée d'été avant que Johnny devienne le grand Johnny que nous aimons tous maintenant. Et je l'avais vu passer dans une boîte sur la Côte d'Azur, à Juan-les-Pins. Et il y avait sa tante qui était là, au Vieux Colombier, et qui m'a attrapé chaque fois que je passais. Je suis passé trois fois cette saison-là. Il faut que vous entendiez mon petit neveu. Il faut que vous me disiez ce que vous en pensez. Et alors, il avait un costume de paillettes mauve. Il se roulait par terre. Et j'avais dit à mon directeur artistique à ce moment-là, j'ai dit, tu vois, ce garçon-là, tu devrais l'engager. C'est dans deux ans, tu vas voir, c'est obligé. Oh non, je crois pas, je crois pas. Deux ans après, ça y était. Et alors, un peu plus tard, on est devenus copains. Et Johnny n'avait jamais été à Saint-Tropez, où j'étais allé, où j'allais beaucoup à l'époque, j'y vais moins maintenant. Et on est partis tous les deux en garçon. Et on était habité dans une campagne d'un copain qui est Georges Bain, qui n'est plus parmi nous maintenant, qui avait le Café des Arts à Saint-Tropez, ouais. C'est là où on joue au boule, et qui nous avait prêté sa campagne. Alors on était tous les deux là-bas, les joyeux célibataires, et on a passé 8 jours assez... C'est bien, sympathique. Est-ce qu'on peut être encore, je mettrai entre guillemets, normal quand on s'appelle le Johnny Hallyday? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut encore avoir des réactions normales par rapport à la vie? Bon, lui, il n'a jamais bougé. Je la pose à Johnny, hein. Oui. Je peux dire un mot Moi, je ne vis pas avec Johnny Hallyday, je vis avec moi-même. Moi, je suis Johnny Hallyday quand je fais un spectacle. Bon, ça s'arrête là. Je veux dire, du moment où je rentre sur scène, au moment où je sors. Mais bon, moi, je vis normalement. Je veux dire, je vais au cinéma, je mange comme tout le monde. Et dans la rue, il n'y a pas de problème? Non, les gens sont assez gentils avec moi. Ils ne sont pas agressifs, en tout cas. Par exemple, c'est le même phénomène qui se passe avec Belmondo, Bebel. Bon, je suis souvent sorti avec lui, il n'y a jamais eu de méchanceté par rapport aux gens. C'était ça va Bebel, ça va Jojo, et puis ça n'a jamais été... On est plutôt sympa avec les gens, bon, d'abord parce qu'on les aime bien, et puis ils font un peu partie de la famille. Est-ce que tu peux vivre seul? Est-ce qu'il t'arrive de vivre seul? Est-ce qu'il t'arrive de passer une journée seul? Réponds franchement. Oh, très rarement. Je n'aime pas. Non, j'aime pas trop être seul. D'abord parce que je m'ennuie tout seul, à moins que je reste. À moins quand je lis. Bon, quand je lis un bouquin, j'aime bien être seul, mais moi j'aime pas être seul, moi j'aime bien avoir quelqu'un que j'aime bien avec moi. Vous écoutez RIG, la radio de Johnny Hallyday, c'est l'émission Johnny de A à Z, avec ce soir l'album de la semaine Cadillac, sorti le 15 juin 1989. Voici l'étoile solitaire et après on revient avec l'émission Avis de recherche. Le drapeau de l'étoile solitaire, ramasse les meufs qui traînent par terre, et leur fait passer la frontière, noyé dans le tabasco. Inventer des frontières, noyées dans la menthe à l'eau. Oui, le drapeau de l'étoile solitaire ramasse les mecs qui traînent par terre et leur fait passer la frontière, noyée de graisse de moto. Oui, survivre à la vie par le rêve, combattre le froid par la fièvre et s'endormir dans un avant la guerre. Oui, survivre à la vie par le rêve, combattre le froid par la fièvre. La fièvre, ouais. Ouais. Voici l'avant-dernière partie de l'émission Prime de la vie de recherche de Johnny Hallyday du 13 octobre 1989. Et dans la vie de recherche de Johnny, je vous demande d'applaudir Richard Boranger. Vous êtes deux potes, alors là on peut dire c'est deux potes, c'est deux amis. Richard, vous êtes venu dans cette émission. On se connaît depuis longtemps, surtout. On a fait quelques galères ensemble. Ouais. Vous connaissez depuis combien de temps tous les deux là? Depuis d'où viens-tu, Johnny? Non. Ouais. Depuis 63. 63, ouais. Ah, je pensais que l'amitié était quand même un peu plus récente que ça. Depuis d'où viens-tu, Johnny? Ouais, depuis d'où viens-tu, Johnny? Je vivais en Camargue. Tu chantais à l'époque. Ouais. Oui, allez, raconte. Hein? Tu chantais à l'époque. Ouais, j'avais le plus mauvais groupe que la Terre ait pu. C'était épouvantable. Quoi. Mais c'était marrant quoi. Non, c'était en Camargue, j'avais trouvé une petite planque là-bas au milieu des chevaux et des flamants roses. Et puis Johnny est arrivé et ma foi son grand cœur comme ça, et puis nous envie de nous embraser dans la nuit camarguaise. Ça a fait qu'on est resté quelques années comme ça. Quand vous vous rencontrez avec Johnny, par exemple, le soir, tard, ouais. Qu'est-ce qui est le plus intéressant? La vérité ou l'imaginaire, tous les deux? La vérité, l'imaginaire, tout ça, les frontières... C'est quand même pas la même chose. La vérité, quand vous avez envie de faire des petits voyages comme ça, tranquille. Oui, non, mais la vérité, l'imaginaire, il y a très peu de frontières, là. Qui c'est qui parle, là? Ben, c'est pas toi. Non, mais la vérité, oui, la vérité, en tous les cas, c'est la joie qu'on a dans le fond des yeux de se croiser et puis de savoir qu'on va passer quelques heures ensemble, quoi, qu'on va voler des pommes, quoi, parce qu'on est des voleurs de pommes. Là, tous les lascars qui sont venus ce soir, là, avant, ces potes, c'est des voleurs de pommes, quoi. Voilà, c'est des gentils, c'est des voleurs de pommes. Alors, on refait le monde, on rêve à nos vies, on s'étonne de ce qui nous arrive, parce que je crois que ce qui me lie profondément comme ça à Johnny, c'est que je sais secrètement qu'il est très étonné d'être là, quoi. Il pense pas que c'est normal ou que c'est un privilège. Ben, on va lui demander, c'est vrai? Ben oui, je me demande. Oui, enfin, c'est un peu vrai quelque part. On s'y fait quand même, non? Moi, je m'y fais pas. Non, mais peut-être que Johnny s'y est fait, non? Pourquoi ici, bah, tu sais, je sais pas moi. Ça fait quand même pas. Moi, depuis le moment où j'ai commencé, je me suis toujours dit bon, j'en ai encore pour une année quoi. Tu sais, rien n'est jamais acquis. Aujourd'hui, tu te le dis, par exemple, quand tu prévois Bercy en 90. Je vais te dire, moi, je crois jamais aux choses durables. D'ailleurs, je ne ferais pas ce métier comme je le fais si je pense. Je me donnerais pas de mal. En tout cas, moi je me donne du mal parce que je crois que c'est un privilège, comme il dit. C'est une joie et c'est pas normal d'être là toujours. Je veux dire, c'est pas acquis, rien n'est jamais acquis de toute façon. C'est vrai que quand t'es gamin et que tu vois les photos des mecs et des filles comme ça, qui sont des stars que t'aimes et tout, jamais tu imagines qu'un jour tu vas être sous les lumières et que ça va t'arriver, que jamais, c'est pas vrai. Bah, qu'on ait envie, ouais, envie, qu'on ait envie de donner des choses, d'exprimer des sentiments, des émotions, c'est sûr ça. Mais jamais, moi jamais je pensais le rencontrer un jour. Déjà, ce tout petit truc, quoi, je le connaissais qu'en photo, quoi. Nos amis, bien sûr, sont ceux vivants qui restent tout à fait comme cette vendredi conviviale. Il y a André Pousse, Jean-Pierre Bloch, Monique Lemarcy. Il y a, alors je dis Lulu, hein, c'est la maquilleuse, mais elle s'est aussi occupée du fan club. Et puis, il y a Étienne Rodagile. Alors, je voudrais, n'en déplaise à Monique, je vais d'abord commencer par Étienne Rodagile. Parce que Cadillac, c'est la rencontre de ces deux hommes. Comment ça s'est passé, la rencontre, tous les deux, là? Je préférerais que Johnny en parle. Il le dira mieux que moi, je crois. Non. C'est très difficile pour un auteur, et quel qu'il soit, de penser Johnny Hallyday. Je le dis, il y a beaucoup de monde ici ce soir qui pourrait confirmer cela. C'est très difficile parce que, bon, qu'est-ce qu'on peut faire qu'il n'a... Je ne dis pas qu'il n'a pas lui-même fait. Je parle de ce monde dans lequel nous vivons, c'est-à-dire un monde, bon. Et Cadillac, ça vient de l'épopée pionnière qu'il est, lui. C'est-à-dire l'histoire d'un môme qui se barre avec les poings dans les poches. C'est un peu la vie de Johnny. C'est comme ça que je le vois. Ouais. C'est comme ça que je l'ai rendu. Pour moi, Johnny, c'est un rebelle qui crée des choses positives. Et je pense que la rébellion, c'est positif, et ben voilà. C'est un rebelle qui crée des choses positives. Voilà une bonne définition. Monique Lemarcy, qui dirige la programmation de RTL, radio à laquelle j'ai l'honneur d'appartenir. C'est vrai que, alors, tous les deux, vous connaissez très bien. J'aimerais nous parler un petit peu d'Hamlet. Ah, bravo. Ça, c'est une... ça, c'est important, parce que Johnny, c'est aussi autre chose. Ça, c'était aussi un défi. Je ne sais pas si Johnny s'en souvient, à l'époque, on avait réussi... À faire des cours dans les lycées. On avait réussi, au moins, à la FMLET, à RTL. On avait imaginé l'idée un peu folle de mettre Johnny face à une classe qui étudiait Hamlet, qui avait Hamlet à son cours. Et on a amené Johnny dans un lycée à Tours. Il y a un professeur qui avait accepté le défi. Et on a eu la... J'ai réussi à mettre Johnny en face d'une classe d'à peu près une quarantaine d'élèves de 14 à 17 ans. Et là, Johnny nous a surpris. D'abord, il y a eu la timidité des élèves, il y avait la timidité de Johnny. Puis subitement, il y a un dialogue qui s'est passé. Bon, et on est parti sur les grands thèmes de l'amour, de la solitude. Et Johnny a commencé à prendre son... Ben, tout ça se rejoint, hein, de toute façon. Oui. L'amour, la solitude, l'amitié. Voilà. Deux mots, Jean-Pierre Perblot, parce que c'est vrai que Johnny, c'est un peu la famille aussi. Racontez-nous, il habitait chez vous alors? Il habitait chez mes parents quelques années. Johnny, c'est une histoire fantastique, d'une amitié de 27 ans. Je l'ai rencontré un jour en 1962 dans un cocktail. Il s'avançait vers moi et puis il m'a dit, je vais au cinéma. Je ne le connaissais pas du tout, c'était Johnny Hallyday. Il commençait à être une star, il m'a emmené au cinéma. Soit il m'a fait dîner avec Desta et Lee Hallyday. Et puis il dit, je vous présente mon meilleur ami Jean-Pierre Perblot. Alors tout le monde me regardait, il dit, à nouveau, meilleur ami qui débarque. Et ça a duré 27 ans. Et quelques jours après, il avait quelques problèmes, il ne savait pas où loger. Il me dit, je peux venir vivre chez toi. J'ai dit, écoute, si tu veux, avec plaisir. Et il habitait chez mes parents. Alors, la tête était drôle parce qu'à l'époque, mon pauvre père, qui un matin vient me réveiller, va dans la chambre d'à côté où Johnny habitait, c'était la chambre de mon frère, il voit une tête blonde. Et mon père, catastrophé, me dit, mais qu'est-ce que c'est cette jeune fille que tu as ramenée à la maison? Je dis, c'est pas une jeune fille, parce qu'avec des cheveux blonds qui dépassaient des draps, je dis, c'est pas une jeune fille, c'est Johnny Hallyday. Qui est-ce? Et j'ai dit, bah, je t'expliquerai. Alors je suis parti travailler, parce qu'à l'époque, j'ai travaillé dans une agence de publicité. Je suis rentré à 1h, j'ai dit à Johnny, on descend dîner. Ah, il descend, blousant, je dis, écoute, chez moi, c'est plutôt une chemise et une cravate. Il me dit, non, c'est pas possible. J'ai dit, écoute, c'est comme ça. Puis finalement, faut savoir qu'en quelques mois, il n'y avait plus de chemise et de cravate à table, je devenais un peu débraillé. Beaucoup plus cool grâce à lui. Il a complètement transformé la vie de la famille. Moi, il m'a amené beaucoup, beaucoup de choses qui ont été appréciables dans mon existence. C'est une amitié extraordinaire. C'est un homme merveilleux. Non, mais c'est pas grave, tu sais, Jean-Pierre. Tu prends un air grave, là. Non, pas du tout. C'est une grande amitié qui dure depuis longtemps. Regarde cette photographie qui apparaît sur l'écran maintenant. Elle est offerte par Will Davidson, en personne. Et il fallait quelqu'un qui t'aime beaucoup pour te l'apporter. Et quelqu'un que nous aimions aussi, nous, beaucoup. Alors, voici la lithographie. Tu reconnais tout de suite la personne qui l'amène. Voilà, vous pouvez venir, c'est quand vous voulez. Voilà pour la lithographie. Viens, David. Ah, je suis heureux de vous réunir sur le plateau, là. Vous allez bien? Elle est sympa, hein? Elle est super, ouais. Voilà. On va la montrer, tiens, David, on va la montrer comme ça. Ah, les Harley, c'est les plus belles, de toute façon. Hein. Aide-moi, voilà, regardez, ça c'est quand même un beau cadeau. Et ça nous fait tout à fait plaisir que tu l'aies pour toi. Tiens, on va la poser sur la table. On peut la faire tomber que ça... Non, non, on la fait pas tomber, tiens. Pousse... Je pose quoi? Le verre, on la laisse comme ça. Ça va, David? Ben ça va, et toi? En forme? Ben moi ça va bien. Le jeune marié, là. T'as suivi... Comment ça va depuis l'autre jour? Ça va bien? Ben ça va bien. Vous êtes toujours ensemble? Oui, oui, ça va. C'est passé, passé en creusant des chemins sur les marées. Je n'ai jamais poursuivi la gloire. Chercher à marquer la... l'instant le testament du poète, d'un poète. Vous avez pu écouter tout l'album complet donc de Cadillac, sorti le 15 juin 1989. L'album qui a été écrit par Étienne Rodagil. On va écouter la dernière partie de cette émission spéciale Avis de recherche Johnny Hallyday. Et là, on va retrouver Raymond Devos. Sur RIG, dans l'émission Johnny de AZ. Il y a encore une surprise pour toi, Johnny. Encore ? Et je dirais une surprise de poids. Car tous les gens qui sont venus ici ce soir font partie de tes amis. Et tous ont cru en toi dès le départ. Il y a un homme qui a cru en toi dès le départ. C'était sur une scène où son public et ton public ne s'entendaient pas vraiment. C'était sur la scène de l'Alhambra. Raymond Devos. Non, Devos ici ? Non, c'est pas possible. Enfin, on va essayer. Qui est-ce qu'il a ? Il y a quelqu'un là ? Monsieur Devos serait-il là ? Non. Raymond Devos ! Raymond ! Venez vous asseoir, Raymond, auprès de nous. Ah, nous sommes très heureux. Tu vas bien ? Mettez-vous là, Raymond. Pardon. Alors, vous avez un micro, mon cher Raymond. J'en ai un là. C'est vrai que vous avez défendu complètement Johnny en 1960 à l'Alhambra. Ben, c'est-à-dire que la première fois que j'ai vu Johnny, j'étais dans la salle de l'Alhambra tout seul. Et Johnny passait une audition. Il passait pas une audition, il répétait. Il était engagé, il répétait. Et on m'a dit, tu vas voir ce que c'est que ce gars-là, etc. Et puis j'ai attendu un petit moment et tout d'un coup j'ai vu sortir d'une montée d'une trappe, je sais pas si tu te souviens. Ouais. Comme un diable dans sa boîte, j'ai vu Johnny monter. Souvenir. Bon. Et alors, après, il a plus voulu de sa trappe. Et moi, je m'en suis servi, je sais pas si tu te souviens de ça. Enfin, en ce qui concerne Johnny, voilà ce qui s'est passé. C'est que, comme il l'a dit tout à l'heure, ou c'est toi qui l'as dit, son public n'était pas tout à fait le mien. Maintenant, ils se sont rejoints. Ça a mis du temps, mais ils se sont rejoints. C'était pas tout à fait le mien. C'est-à-dire que là-haut, au paradis, ils étaient pour Johnny. Et en bas, les cravates, c'était plutôt pour moi. Mais ils se sont presque battus, hein. Presque, il y a eu un procès. Ah ouais, furieux. Ouais. Parce que j'ai connu aussi au tribunal, Johnny. Et je l'ai même connu en prison. En Suisse, je te suis dit, on a fait une prison. Enfin bref, comme c'était. On a fait un spectacle pour les faits. On a fait de la prison. Ah oui, d'accord. On y était bien, on a failli y rester. Ils ont dit, si vous voulez, vous pouvez séjourner ici, on a un train à prendre. Enfin bref, en ce qui concerne Johnny, voilà ce qui s'est passé, c'est que comme c'était tout de même un petit peu tangent, c'est un peu houleux. Alors, Mme Breteau, la directrice, deux jours après, ou trois jours après, venue me voir en disant, écoutez, il y a un petit problème avec Johnny, parce que, bon, ça ne marche pas tout à fait comme on l'aurait espéré. Alors, comme c'est votre programme, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on le garde ? Ça a été jusque-là, tu te souviens, Johnny ? Et moi, j'ai dit, comment Johnny Hallyday, qui est le représentant de toute une jeunesse, mais pour moi, c'est une valeur considérable. Si vous ne gardez pas Johnny, je m'en vais. C'est ce que j'ai dit. Oui, c'est vrai. Et je m'en flatte. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis là ce soir. Car il ne m'aurait pas invité. Ah oui, il ne savait pas d'où venir. Il ne m'aurait pas invité. Il ne savait pas d'où venir, Raymond. Si je ne lui avais pas sauvé son premier contrat, il ne m'aurait pas invité. Ça, c'est pas vrai, ça. Raymond Devos, vous allez venir avec nous au mois de janvier ? Si vous m'invitez. Vous savez que sur la porte de ma loge tout à l'heure il y avait invité. Il n'y avait pas mon nom. Il y avait invité. On mettra au mois de janvier quand au vous. Au fond, vous n'avez que des invités. Je ne voudrais pas vous faire de peine, mais. Non, au mois de janvier. J'ai un nom, moi. J'ai un nom. Je mettrai. Au mois de janvier, je mettrai invité Raymond mon nom. Mais ne m'invitez pas comme invité. Voulez-vous, je vous invite à venir comme invité. Ça fait lourd. Ça fait un peu chargé. L'invité, mesdames, messieurs, je suis bien invité. Au mois de janvier, Raymond, au mois de janvier, je mets Raymond Devos. pendant 2 heures, d'accord? Et là, vous aurez une loge superbe où il y aura marqué votre nom. Vous savez ce qui est dans ma loge tout à l'heure, ce qui m'est arrivé? Il m'arrive toujours des trucs. Toi jamais. C'est pour ça que tu chantes si bien, que tu chantes les drames, il t'en arrive pas. Mais moi, il m'arrive des choses grosses. Dans ma loge, il y avait une dame qui était là. Super, mais... Moi, dans quelle loge? La seule sensualité. Elle avait des gants noirs, comme ça, et elle commence à retirer ses gants doucement devant moi. J'ai dit, écoutez, madame, je vous en prie, pas si vite. J'ai dit, monsieur, ce sont mes gants. J'ai dit, madame, mais vous n'avez rien en dessous. Elle dit, mais monsieur, ce sont mes mains. J'ai dit, oui, madame, mais elles sont nues. Et bien, elle dit, monsieur, le reste aussi. Ah, je vous demande pardon, je n'ai pas remarqué. J'aurais tendance à dire. Maintenant, Johnny, c'est terminé. Il y a une règle dans cette émission, d'ailleurs qui sera bonne également pour Raymond au mois de janvier. C'est le mot de la fin. On laisse toujours à notre invité le mot de la fin. Et après, tu vas regagner ta moto. Mais le mot de la fin, c'est à toi. Mais j'ai pas pensé au mot de la fin, moi. C'est ça le problème. Il y a une suite, peut-être. Eh bien, à l'année prochaine. À l'année prochaine, tu reviens? Oui. Oui. Oui? Oui, oui. Oui, oui. Moi, je viendrai. Ok. Johnny Hallyday. Tu seras invité. Tu seras invité. On sera invité. Dans l'émission Raymond Devos. Voilà, Johnny, maintenant, qui va regagner sa moto. Je vous donne rendez-vous, donc, la semaine prochaine. À partir de 20h40 sur TF1, on a dépassé l'horaire, mais c'était une émission exceptionnelle. Vous le savez, tous nos invités sont là. Passez une bonne fin de soirée sur TF1. Merci. J'aime cette émission Avis de recherche spéciale Johnny Hallyday, des vidéos que vous pouvez retrouver sur YouTube ainsi que sur Facebook. Mais l'émission Johnny de AZ, elle n'est pas terminée. On va retrouver Johnny Hallyday en live et faire un petit tour du côté de Bercy. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Bercy 1990 et ce titre, reprise de Daniel Balavoine, non, pas reprise, composé par Daniel Balavoine, Johnny qui l'interprète 10 ans plus tard. Cette chanson conçue en 1980, il reprend en concert en 1990. Je ne suis pas un héros. Chaque jour je pousse un peu plus vers la fin. Oui, quand je monte sur scène, quand on prend le dernier train. Même les soirs de drame, il faut trouver la flamme qui brûle, puis toucher les femmes qui me tendent les mains. Mais qui me quitte elle-même et dont je ne sais rien. Aujourd'hui je suis fatigué. C'est pour ça qu'aujourd'hui je voudrais crier. Je ne suis pas. que ça pour m'aider à porter tous mes chagrins. Oui, je sais qu'elle rêve, mais ça leur fait du bien. Dans la rue, oui, j'ai trouvé la trame qu'il faut. Mais pour mourir célèbre, il ne faut rien emporter. Mais que ce que les autres n'ont pas voulu garder. Pour ça qu'aujourd'hui je suis fatigué. Et pour ça qu'aujourd'hui je voulais crier. Je ne suis pas. Que disent les journaux, je ne suis pas un héros, un héros. Je ne suis pas un héros, mais ton pas me colle à la peau. Je ne suis pas un héros, pour pas faire ce que disent les journaux. Je ne suis pas. Achève cette émission Johnny 2Z spécial album de la semaine Cadillac, ainsi que de l'émission Avis de recherche de Patrick Sabatier spécial Johnny Hallyday. Je remercie toutes et tous d'avoir participé, d'avoir écouté attentivement cette émission. Et puis n'oubliez pas que vendredi, ce vendredi, sortent les deux titres inédits Rest et Waterloo, et que la semaine prochaine, on vous fait découvrir l'album complet de 1971, l'album Flagrant délit avec les versions alternatives, les extraits du Palais des Sports 71. Nouvelle version, mais ainsi que les titres inédits également. À bientôt à toutes et à tous. Bonne nuit. Ciao, ciao.